Isabelle Calice Sabot, un bien étrange cadeau de Noël. Une histoire pour les enfants, avec l'aimable accord de son auteur, lue par Sabine pour audiocité.net, sous la licence Paternité, pas de commercialisation, partage à l'identique. Il était une fois deux enfants polissons, jaloux et extrêmement grognons. Pourtant, ils auraient pu être très sages et très heureux. Ils vivaient dans une belle maison avec un immense jardin, possédaient de nombreux jouets, des livres, des vélos, un toboggan, des balançoires, et de plus, ils avaient des parents très gentils. « Maman, Bastien m'embête !» criait Nathalie en tirant les cheveux de son frère. « Ce n'est pas vrai !» hurlait Bastien en griffant la joue de sa sœur. « C'est elle qui m'agace !» Alors maman se fâchait. « Venez là tous les deux, vous n'avez pas honte. Si ça continue, je vous prive de goûter et de sortie. »« Oh non, maman, s'il te plaît !» implorait-il en cœur. Il se calmait un instant, mais peu de temps après, la dispute reprenait de plus belle. Par exemple, un soir, papa rentra plus tôt que prévu du travail. Il trouva son fils en train de sangloter et sa fille en train de grimacer. Il exigea immédiatement des explications. « Elle m'imite !» déclara Bastien en montrant sa sœur du doigt. Papa se mit en colère et ordonna de sa grosse voix. « Chacun dans sa chambre, et que je ne vous vois plus jusqu'au souper !» Il y avait aussi la terrible épreuve de l'anniversaire, où celui qui ne recevait pas de cadeau devenait furieux et boudait pendant une semaine. Et encore, le conflit qui éclatait quand on les voyait à la douche. « Toi d'abord, c'est toujours moi le premier. »« Non, c'est toujours moi qui commence. »« Ouh, la menteuse !»« Ouh, le bébé !» Cela se terminait, bien sûr, par une formidable volée de coups. C'était seulement lorsque leur garnement dormait que les parents pouvaient goûter au calme et discuter à loisir. « Pourquoi avons-nous des enfants aussi pénibles ?» s'inquiétait maman. « Je crois que nous les gâtons trop, » soupirait papa. « Il va falloir être plus sévère dorénavant. » « Et peut-être les menacer de les mettre en pension. » « Pourtant, nous avons tout essayé. Les corrections, les punitions, l'indifférence et même l'indulgence. Aucun résultat. » « Bientôt, ils auront 8 ans et 10 ans. Ils devraient tout de même s'arranger. » Eh oui, toute la famille était persuadée qu'en grandissant, Bastien et Nathalie s'assagiraient. Hélas, au fil du jour, la situation s'aggrava, et l'année 1993 fut pire encore. Les discussions s'envenimèrent, les batailles redoublèrent de violence, les altercations devinrent de plus en plus fréquentes. Les grossièretés, les impolitesses se mêlèrent aux contestations permanentes. Ainsi les jours passèrent. Et puis décembre arriva. L'approche de Noël va leur changer les idées, pensa maman. Je vais leur donner le nouveau catalogue pour qu'ils choisissent leurs cadeaux. Contrairement à ce qu'elle espérait, ce fut un déferlement de fureur. Je veux la voiture téléguidée, s'écria Nathalie. Non, c'est un jouet de garçon, c'est moi qui la commande. Méchant, j'ai tous les droits, je la prends. Et d'abord, tu en as déjà une. « Oui, mais tu me l'as cassé. Et d'abord, tu n'es qu'une copieuse. » Cela n'en finissait plus, et maman confisqua le catalogue. « Le Père Noël choisira lui-même, » soupira-t-elle. Ce mois de décembre avait donc été épouvantable. Même le ciel s'était avéré particulièrement capricieux. Il avait plu, gelé, tonné, venté, sans interruption. Et puis, le 24 à midi, il se passa une chose extraordinaire. Après une brève accalmie, on vit arriver de l'horizon d'impressionnants nuages noirs. Il fit de plus en plus froid. Un silence étrange envahit l'atmosphère et les premiers flocons se mirent à tomber. Au début, ils étaient très petits et très espacés. Mais bientôt, ils devinrent de plus en plus serrés et il neigea tant et si bien qu'en quelques heures, le village fut recouvert d'un épais manteau blanc. Oh, comme c'était joli à voir. Et comble de bonheur, la famille était réunie au grand complet en cette veille de Noël. Il y avait la grand-mère Lucie, oncle Emmanuel, tante Pascal, avec le petit cousin André, qui n'avait pas de chance car il était malade. Il y avait aussi le grand frère Terry, revenu spécialement d'Écosse, où il étudiait la zoologie. Et encore cousin Christophe et sa fiancée Guylaine. Ah, j'oubliais cousine Sylvia, oncle Daniel et tante Paul-Jeanne. Et bien sûr, papa, maman et les deux chenapans, plus grincheux que jamais. Le soir arriva enfin. On réveillonna jusqu'à minuit. Ensuite, tout le monde alla se coucher. Grand-mère Lucie dut se relever, parce qu'elle avait oublié de préparer le café et les petits gâteaux secs pour le Père Noël. Le marchand de sable passa, et la nuit apporta des rêves merveilleux. Le lendemain matin, oncle Emmanuel se leva le premier, car il était très curieux. Il se faufila sans bruit jusqu'à la salle à manger et vit un amoncellement de cadeaux. « venez vite » cria-t-il. Alors on accourut, on se précipita, on se bouscula, on se rua sur tous les paquets que le Père Noël avait déposés au pied du sapin. Mais voilà, Bastien et Nathalie n'avaient rien, pas même un chocolat, pas même un bonbon, seulement une enveloppe libellée à leur nom. Devant la stupeur générale, papa l'ouvrit et lut la lettre. Il était inscrit en gros caractères « Le Père Noël est très mécontent !» Les enfants se mirent à rire, à se moquer, croyant à une mauvaise plaisanterie. « C'est l'écriture de maman, j'en suis sûre. Et moi, je parie que c'est une farce de tonton. » C'est alors qu'on entendit un grand remue-ménage dans la cheminée. Oh, surprise! Le Père Noël en personne apparut. La stupéfaction fut telle que personne n'osa bouger. Le Père Noël était très en colère. Il prit la parole. « Bastien et Nathalie, vous avez été terriblement vilains cette année. Aussi, j'ai décidé de vous donner une bonne leçon. Écoutez-moi bien. J'ai inventé la veillée de Noël, le sapin de Noël, les cadeaux de Noël, la nuit de Noël. Mais aujourd'hui, vous m'obligez à inaugurer la fessée de Noël. Approchez et tournez-vous. » Les enfants obéirent, et le Père Noël, de ses deux grosses mains, administra simultanément deux bonnes grosses fessées. Après quoi il disparut en ajoutant « À l'année prochaine et joyeuses fêtes !» Bastien et Nathalie se regardèrent tout penauds. Ils n'eurent même pas l'idée de pleurer. Mais à partir de ce jour, leur comportement changea, comme par enchantement. Ils furent polis, gentils, aimables. Ils s'amusèrent ensemble, échangèrent leurs jouets. On dit qu'ils devinrent les meilleurs amis du monde. Et ils se rendirent compte que le Père Noël leur avait fait le plus merveilleux des cadeaux, celui d'être heureux.